Chapitre 10e. Dès que les portes du couvent s'ouvrirent, je demandai à Adélaïde. Elle vint au parloir. Sa bonne amie ne tarda pas à l'y rejoindre. « Bonjour, monsieur, » me dit Sophie. « Monsieur ? » m'écriai-je. « Tenez, monsieur, » dit à son tour Adélaïde en présentant un petit paquet. « Et vous aussi, ma sœur, monsieur ? Prenez donc. Hier, votre jasmin était gris. Il a remis ce portrait à Madame Munich. » « Et la bouteille d'eau-de-vie d'Andaille, » poursuivit Sophie, « il l'a portée à la marquise de B. »« Oui, mon frère, oui. Vous abusez de mon amitié. Vous trompez la tendresse de Sophie. Cela n'est pas bien. Sophie, qui s'expose tous les jours pour vous, moi, à qui le baron a fait hier encore une scène terrible. Monsieur, cela n'est pas bien. Quand il nous aura fait mourir de chagrin, » reprit Sophie en sanglotant, « il regrettera sa cousine et sa sœur. » Je voulus prendre sa main. Elle la retira. « Laissez vos caresses, monsieur. Elles sont douces, mais elles sont trompeuses. »« Oui, monsieur, oui, elles vous ressemblent, » s'écria Adélaïde. « Ma bonne amie a raison. » Elle passa son mouchoir sur les yeux de Sophie, qu'elle embrassa ensuite. « Console-toi, ma Sophie, » lui dit-elle. « Ne pleure pas si fort. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Je ne te tromperai pas. Je ne trompe personne, moi. » « Adélaïde, voici, il prend seulement la peine de se justifier. » « Ah, Sophie, mon agitation, mes larmes, mon silence même, tout ne vous annonce-t-il pas les remords dont mon cœur est déchiré ? Oui, je vous avoue, ce portrait, ce fatal portrait était pour Madame de B. »« Vous nous l'avouez parce que nous le savons, » me dit Adélaïde. « Il était pour Madame de B. » s'écria Sophie d'un ton douloureux. « Mais, ma jolie cousine, n'excuserez-vous pas un moment d'erreur ? Un moment d'erreur ? Depuis qu'il me connaît, il me trahit. Un moment d'erreur, Adélaïde. Depuis plus de 2 mois, tu le sais, il me dit presque tous les jours. Tous les jours, il m'écrit qu'il m'adore, qu'il n'adore que moi. Un moment d'erreur. Sophie, ma jolie cousine. Et j'ai la faiblesse de le croire, et j'ai le malheur de l'aimer, et il le sait. Hélas, il le sait. Mais dis-moi, ma chère Adélaïde, ce qu'il attend de ces trahisons? Qu'en attend-il? Qu'espère-t-il? Ingrat que vous êtes! Je ne l'ai pas exigé, votre amour. N'en ayez pas pour moi si cela vous est impossible. Mais au moins, ne dites point « Ah, mademoiselle, ma jolie cousine, vous ne savez pas combien vous m'êtes chère. Le jour, votre image me suit partout. La nuit, elle embellit tous mes songes. Sophie, vous êtes ma vie, mon âme, mon Dieu. Je n'existe que pour vous, je n'adore que vous. » Eh bien, Adélaïde, tu l'entends ? Comme le cruel se plaît à redoubler mes agitations, mon trouble, mes incertitudes. Ses discours sont toujours les mêmes, mais sa conduite, il veut ma mort. Je me jetai aux genoux de Mademoiselle de Pontis. Mon frère, que faites-vous? Si quelqu'une de nos religieuses passait, si l'on nous voyait? Sophie se leva tout effrayée. Monsieur, si vous ne vous asseyez pas, je m'en vais. Je me remis à ma place en pleurant amèrement. Ma bonne amie, dit Adélaïde, « ce qu'il te dit paraît vrai. Pourtant, il l'assure d'un ton bien naturel. Bah, tu ne le connais pas. En sortant d'ici, il va courir chez la marquise pour lui en dire autant. La marquise, je vous jure que je ne la reverrai jamais, jamais. Mon frère, foi de gentilhomme. Foi de gentilhomme, ma sœur. Foi de gentilhomme, ma Sophie. Mon Dieu, » dit-elle d'une voix faible, en posant sa main sur son cœur. « Mon Dieu. » Elle pencha la tête sur son sein, et s'appuya sur sa chaise. Ses sanglots, qui redoublaient, lui coupèrent la parole. « Ma chère Adélaïde, elle se trouve mal. »« Non, non, » dit Sophie. Adélaïde essuya les larmes dont le visage de son amie était couvert. « Laisse-les couler, » continua Sophie. « Laisse, ma bonne amie. Elles sont de plaisir, celles-là. Elles sont de joie. Mon Dieu, quel pesant fardeau j'avais sur le cœur. Comme je me sens soulagée. » Je pris ses mains sur lesquelles je posai mes lèvres brûlantes. Ce nuage de douleur, dont ses charmes avaient paru voilés, se dissipa tout d'un coup. Tant de joie brilla sur son visage embelli, ses yeux s'animèrent d'un feu si doux, elle laissa tomber sur moi un regard si tendre. Avec quelle ardeur je renouvelai le serment de lui être à jamais fidèle. Comme elle prit plaisir à me faire entrevoir, dans un avenir, un hymen fortuné. Adélaïde, cependant, tenait toujours le portrait de Mademoiselle du Portail. Mon frère, Madame Munich m'a bien recommandé de vous renvoyer cela. Vous l'avez mise dans une belle colère, Madame Munich. Voyez donc ce fou, m'a-t-elle dit, qui m'envoie son portrait. Est-ce que je suis d'un âge? Mais c'est sans doute pour mademoiselle de Pontis. Il l'aime. Le baron a raison de le dire. Ah, que monsieur le chevalier revienne ici, qu'il y revienne. Tenez, mon frère, reprenez-le, votre vilain portrait. Vilain, mais non, dit ma jolie cousine, en l'ôtant des mains d'Adélaïde. Il est joli, ce portrait, on dirait que c'est le tien. Eh bien, ma bonne amie, garde-le. Oui, gardez-le, ma jolie cousine. Ce portrait, monsieur de Faublas? Non, il me ferait mal. Il me rappellerait toujours cette madame de B. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. D'ailleurs, ces habits de femme, c'est un portrait qui vous ressemble, ce n'est pas le vôtre. Ma Sophie, si vous vouliez... Quoi? Mon peintre est habile et discret. Il ferait mon portrait et le vôtre. Et le mien aussi, répliqua-t-elle d'un air incertain en regardant Adélaïde. Oui, ma bonne amie, lui répondit celle-ci. Le tien, et même le mien, et peut-être une copie de chacun, nous ferons des échanges. Eh bien, mon jeune cousin, quand l'amènerez-vous, votre peintre? Mais demain, depuis 8 heures jusqu'à 10, et tous les jours, pareille séance, jusqu'à ce que ce soit fini. Tous les jours? Mais ma gouvernante? Il est vrai qu'elle dort, et que jusqu'à présent elle ne s'est aperçue de rien. Oui, interrompit Adélaïde, elle dort, mais le baron, prenez-y garde, mon frère. Le baron, ma chère Adélaïde, s'il lui arrivait de se lever un jour plus tôt que de coutume, il m'en coûterait beaucoup, sans doute, mais je remettrai la séance au lendemain. À demain donc, mon cher cousin, sans faute. Au moment où je lui disais adieu, au moment où elle paraissait lire avec attendrissement sur mon visage le vif plaisir que me causait une très légère faveur, qui m'était plutôt donnée que permise, au moment même, une religieuse entra brusquement. Elle commença par jeter sur toute ma personne un regard curieux mais rapide, puis, avec une douceur mêlée de quelque fermeté, « Il me semble, Adélaïde, qu'il y a longtemps que vous causez avec monsieur votre frère. Et vous, mademoiselle de Pontis, comment ne vous apercevez-vous pas que je dois avoir commencé la leçon depuis plus d'un quart d'heure? Je retourne au clavecin où je vous attends. » Les disciples voulaient bégayer une excuse. La maîtresse se retira sans les écouter. « Mon Dieu, dit Sophie qui tremblait, ne vous a-t-elle pas vu me baiser la main? Je ne sais, ma sœur. Je ne sais pas non plus. Voulez-vous que je lui demande? Je ne pus m'empêcher de sourire. Adélaïde parut d'abord s'en offenser, puis, ayant un peu réfléchi, « Que je suis bonne, s'écria-t-elle. Allez, allez, soyez tranquille, je ne lui demanderai pas. Ma jolie cousine, c'est la maîtresse de la musique, cette religieuse? Oui, mon cher cousin, on l'appelle Dorothée. Elle est forte sur le clavecin? Assez forte. Cependant, quelqu'un lui a dit que vous en touchez beaucoup mieux qu'elle. Mais elle est toute jeune. Toute jeune, oui. Et elle m'a semblé fort jolie. Et il me semble à moi, répondit-elle avec chagrin, il me semble que dans les circonstances les plus fâcheuses, vous pouvez encore faire très promptement beaucoup de curieuses remarques et d'intéressantes découvertes et des questions désolantes. À ces mots, elle partit en pleurant et sans vouloir m'entendre. Adélaïde, tout occupée du chagrin de son amie, ne vit point ma douleur. Adélaïde vola sur les pas de Sophie. Je restais moins surpris de mon étourderie qu'affligé du prompt départ qui la punissait. Les peines de ma jolie cousine m'offraient sans doute plus d'un motif de consolation. Cependant, j'étais au désespoir quand je rentrais chez moi. Jasmin, que j'interrogeai à mon retour, m'avoua que la veille, il n'avait pu résister à la tentation de goûter l'eau de vie d'Andaille. Elle lui avait paru si bonne qu'il en avait bu à plusieurs reprises. Il avait rempli, avec de l'eau ordinaire, la bouteille diminuée d'un bon quart, et puis il avait été faire mes commissions. Je ne m'étonnais plus qu'il les eût faites de travers, et je lui pardonnais son infidélité en faveur de la sincérité de l'aveu. Cependant, les nouveaux chagrins de Sophie ne devaient pas me faire oublier les promesses que je lui avais faites. Il était vraisemblable que la marquise, étonnée de ne m'avoir pas vu, allait envoyer chez moi. Je rappelais Jasmin pour lui dire qu'il ne fallait laisser entrer que mon père, monsieur de Rosembert et mon gouverneur. « Mais, monsieur, si mademoiselle Justine vient, vous lui direz que je n'y suis pas. Monsieur, mais madame Dutour, le vicomte de Florville, vous leur direz que je n'y suis pas. Ah ah, restez dans mon antichambre pour ne laisser passer personne et envoyez chez mon peintre pour le prier de venir ici tout à l'heure. » L'artiste vint dans l'après-dînée. Il commença mon portrait. Il vint avec moi le lendemain pour éboucher celui de ma jolie cousine. Ai-je besoin de dire que dans cette entrevue, l'entretien commença par une explication sur Dorothée? Sophie ne concevait pas qu'auprès de la femme aimée, un jeune homme pût regarder quelque autre femme et la trouver jolie. Je croyais me justifier complètement par cette réponse qu'une religieuse, à mes yeux, n'ayant plus de sexe, ce que j'aurais pu dire d'une belle statue, je l'avais dit de Dorothée. Mais Adélaïde, ouvertement déclarée contre moi, la cruelle Adélaïde, aussitôt m'observa que celle qui était venue troubler nos 12 entretiens aurait dû me paraître laide à faire peur. Sans doute il me fallut plus d'une subtilité pour affaiblir cette objection trop solide. Enfin, je n'obtins grâce qu'en représentant, les larmes aux yeux, qu'une étourderie n'était pas un crime, et qu'au surplus, une remarque flatteuse pour Dorothée ne devait en aucune manière inquiéter Sophie, dont les charmes étaient, comme la passion qu'il m'avait inspirée, supérieurs à toute espèce de comparaison. Alors ma jolie cousine consolée me rendit toute sa tendresse. Ainsi, tous trois réconciliés, nous nous occupâmes du portrait de Sophie. Nous nous en occupâmes plusieurs jours de suite. Ce fut mon portrait qui se trouva fini le premier. Je ne possédais celui de ma jolie cousine que la semaine d'après. Cependant, Justine et Madame Dutour se présentaient successivement à ma porte tous les jours et ne remportaient jamais que cette réponse inquiétante « Il n'y est pas ». Le comte, qui apprit avec étonnement ce qu'il appelait ma conversion subite, me soutint qu'elle ne durerait pas. « Rosembert, j'ai dit, foi de gentilhomme. Oui, mais croyez-vous que Madame de B restera tranquille? Elle n'a fait jusqu'à présent que des démarches mesurées, peu décisives. Ne vous fiez pas à ce calme apparent. Il couvre quelques desseins secrets. La marquise médite en silence les grands coups. Ce sera, n'en doutez pas, le réveil du lion. » Un matin que j'allais au couvent, comme à l'ordinaire, je crus m'apercevoir que j'étais suivi. Un homme assez bien couvert se tenait à quelque distance, réglait sa marche sur la mienne, et semblait craindre de me perdre de vue. En sortant du couvent, je le vis encore sur mes pas. Rosembert, à qui je fis part de mes soupçons, m'envoya deux de ses gens pour m'accompagner. Je leur ordonnai de garder chacun un bout de la rue dans laquelle était situé le couvent. Un secret pressentiment semblait m'avertir des malheurs qui menaçaient nos amours. Ce jour-là, plus qu'à l'ordinaire, je pressai Sophie de m'apprendre quelles affaires si importantes tenaient son père éloigné, à quelle époque le retour de M. de Ponty s'était fixé, quels moyens il me faudrait employer pour obtenir de lui ma jolie cousine. Sophie, après avoir hésité quelques moments, prit la main de ma sœur et la mienne. « Ma chère Adélaïde, toi, en qui j'ai trouvé une sœur tendre, une véritable amie, et vous, mon cher cousin, vous qui m'avez fait aimer l'exil où je languissais, il est temps que vous sachiez un secret important qui n'est connu que de Madame Unique, qui doit rester toujours entre vous et moi. Je ne suis pas française. Le nom que je porte est supposé. Mon père, le baron de Gorlitz, possède des biens considérables dans l'Allemagne, sa patrie, où ma famille est puissante et considérée. Je ne sais pourquoi on m'a privé du bonheur de vivre dans son sein, mais il y a bientôt 8 ans que je suis en France. Ce n'est pas le baron qui m'y a amené. Un domestique français, vieilli à son service, a pris dans le temps le train d'un homme de qualité. Il s'est fait appeler Monsieur de Pontis. Il a dit qu'il était mon père et m'a laissé sous la garde de Madame Munich dans ce couvent, où depuis il est venu tous les 6 mois savoir de mes nouvelles et payer ma pension. Depuis 8 ans, je n'ai joui que 2 fois du bonheur d'embrasser mon père. Quand je demande à Madame Munich pourquoi on m'a élevé en France, pourquoi le baron de Gorlitz me refuse son nom, pourquoi il vient si rarement voir sa fille, elle me répond tranquillement que ses précautions sont nécessaires, que je bénirai un jour la sagesse d'un père qui m'aime tendrement. Depuis 2 mois, elle me répète souvent que le moment de mon retour en Allemagne s'approche. Hélas, je ne sais plus si mon cœur le souhaite, qu'il me serait doux de revoir ma patrie, ma famille et mon père. Mais Adélaïde, Faublas, qu'il me serait cruel d'être séparé de vous. Séparé? Jamais, Sophie, jamais. Partez demain pour l'Allemagne, dès demain je vous y suivrai. J'irai vous demander au baron, s'il aime sa fille, il ne s'opposera point à notre bonheur. Comme il se prolongea délicieusement l'entretien qui suivit l'intéressante confidence que Sophie venait de nous faire. Adélaïde, lasse de nous avoir répété 20 fois qu'il était plus de 10 heures, que Madame Munich nous surprendrait, Adélaïde força ma jolie cousine de me quitter. Je sentis mon cœur se serrer quand j'embrassai ma sœur. Je la sentis frémir quand je lui dis adieu à Sophie. En sortant du couvent, j'aperçus mon Argus de la veille en sentinelle dans une allée voisine. Quand il me vit à quelque distance, il quitta sa retraite, apparemment pour mes pieds jusque chez moi. Je le laissai se rapprocher quelques pas, et tout à coup je me retournai sur lui. Il ne m'attendit pas, mais s'il courait bien, je courais mieux. Au détour de la rue, je le saisis par la jambe, à l'instant où l'un de mes hommes apostés l'allait prendre au collet. Le fuyard, perdant l'équilibre, tomba par terre, poussa de grands cris, et s'efforça d'intéresser pour lui la populace aussitôt ameutée. Déjà quelques séditieux criaient vengeance et se préparaient à me faire un mauvais parti quand je m'écriais « Messieurs, c'est un espion !» À ce mot de proscription, mon ennemi, abandonné de tous ses défenseurs, vit qu'il ne lui restait d'autre moyen de s'épargner les coups de bâton dont je le menaçais que de déclarer celui qui le payait pour m'observer. Il me nomma Madame Dutour. Je le renvoyai en l'exhortant à n'y plus revenir. Le lendemain, de très bonne heure, mon père me mena à 8 lieues de Paris, voir une maison de campagne qu'il avait achetée depuis plus d'un mois. Nous visitâmes le jardin qui me parut fort joli, les appartements que je trouvais commodes et riants. Je distinguais surtout une chambre fort agréable, fort gaie, mais dont les fenêtres étaient grillées. J'en fis la remarque au baron. Il me répondit froidement « Ces fenêtres-là sont grillées parce que cet appartement sera désormais le vôtre. »« Le mien, mon père ?»« Oui, monsieur. » J'avais acheté cette maison pour jouir de la belle saison. Mais vous m'avez forcé de faire d'un lieu de plaisance une prison. Une prison? Vous m'avez trompé, monsieur. Ce n'est ni l'amant de la marquise, ni celui de Coralie que j'enferme. C'est le séducteur de Sophie. Quand je m'applaudissais de votre obéissance, vous abusiez de ma sécurité. Vous alliez au couvent tous les jours. Quelqu'un qui s'intéresse apparemment à vos démarches m'en a donné l'avis secret. « Lisez cet écrit anonyme, lisez !» Monsieur le baron de Faublas est averti que tous les matins, depuis 8 heures jusqu'à 10, monsieur son fils va voir au couvent mademoiselle de Faublas et mademoiselle Sophie de Pontis. « Je sais, monsieur, continua mon père, le peu de foi que mérite un écrit anonyme. Je ne vous ai pas condamné sur un titre aussi méprisable. Mais comme dans une affaire de la nature de celle-ci on ne doit rien négliger, je me suis informé. » J'ai appris qu'on m'avait écrit la vérité. Monsieur, si vous n'aimez pas Sophie, vous êtes un lâche suborneur. Cette captivité domestique est pour vous un châtiment trop doux. Si vous l'aimez, au contraire, je dois travailler à vous guérir de cette passion que je n'approuve pas. Monsieur, vous ne sortirez pas de cette chambre. 3 hommes que je laisse ici seront en même temps vos domestiques et vos gardiens. Ils savent quels gens je permets que vous receviez. L'étonnement dans lequel ce discours m'avait jeté ne peut se comparer qu'à la douleur qu'il me causa. J'avais d'abord écouté, sans pouvoir dire un seul mot. Je fis ensuite d'inutiles efforts pour répondre modérément. « Mon père, oserais-je vous demander pourquoi vous n'approuvez pas mon amour pour Sophie ?»« Parce que le père de cette jeune personne l'ignore. Parce qu'il se pourrait qu'il ne voulût pas vous donner sa fille, parce que moi-même je vous destine à une autre femme. »« Et quel est donc cet infortuné que vous avez choisi, mon père ?» Monsieur du Portail est mon ami intime, il vous estime. Ah, c'est Dorliska que j'épouserai, une fille perdue ou peut-être morte. Pourquoi morte? Je crois que mon ami retrouvera sa fille. Le ciel doit cette consolation au plus malheureux des pères. Lovzinski fait de nouvelles recherches, et vous, mon fils, quand l'absence et le temps qui usent toutes les passions folles auront détruit la vôtre, vous commencerez vos voyages, vous passerez en Pologne. Oui, et là, comme les chevaliers errants, j'irai de porte en porte chercher une fille pour l'épouser. Monsieur, vous ne remarquez pas que vos réponses sont d'une indécence? Pardon, mon père. 20 fois pardon, l'excès de ma douleur. Mon fils, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Préparez-vous à réparer les longues infortunes d'un gentilhomme pour qui mon amitié ne doit pas être vaine. Mon père, je tiendrai ma parole à Lovzinski. J'irai jusqu'au bout du monde, s'il le faut, chercher sa Dorliska. Et vous renoncerez à mademoiselle de Pontis? Plutôt mourir 1000 fois. Jeune homme! Mon père, je ne partirai pour la Pologne qu'après avoir obtenu la main de Sophie, je le jure par vous, par elle, parce qu'il y a de plus sacré. Respectez mon autorité ou craignez... Eh, qu'ai-je à craindre, monsieur? Vous me séparez de Sophie. Quel mal plus grand pouvez-vous me faire? Ôtez-moi la vie, cruel que vous êtes. Ôtez-la-moi, vous me rendrez service. » Le baron, furieux ou attendri, sortit brusquement, ferma la porte et me laissa en prison.